Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'opéra au Québec au 20e siècle. Cette société canadienne d'opérette et par la suite les variétés lyriques ont lancé des vedettes qui se sont maintenues pendant des années, pendant au moins une quinzaine d'années. Lionel Daulet, d'abord soliste à la société canadienne d'opérette et après cofondateur des variétés lyriques avec oui. Charles Goulet, était vraiment une vedette considérable ici. Le critique musical Marcel Valois, l'émission La musique à Montréal de 1920 à 1950, diffusée à notre antenne en 1974. Lionel Daulet, dont parle Marcel Valois dans cet extrait, va faire partie de ces pionniers de l'opéra au Québec, ces voix de chez nous qui chanteront les plus grands airs d'opéra ici comme à l'étranger. Comment décrire cette scène québécoise de l'opéra au 20e siècle? Qui en sont les plus fiers représentants? Quels sont les temps forts de cette histoire de l'opéra au Québec au 20e siècle? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Je connais des tas d'ouvriers, des tas de travailleurs qui travaillent à des métiers durs et qui ne sont pas payés très cher, qui n'ont pas un gros budget familial, mais qui ne manquent pas d'écouter l'opéra du samedi, qui ne manquent pas d'aller au concert lorsqu'il y a des extraits d'opéra. Notre public de toute classe, de la classe ouvrière jusqu'à la classe très riche, aime l'opéra, c'est ma conviction. Et le jour qu'il sera possible d'en faire la démonstration par une saison d'opéra et une série de saisons de plusieurs années d'opéra à prix populaire, on fera la même démonstration que l'Orchestre symphonique fait lorsqu'il joue devant 12 ou 15 000 personnes dans le Forum de Montréal. Bohemian Girls, un opéra de Balfe, c'est ce qu'on entendait, un opéra qui était joué au Québec, répertoire anglo-saxon de la fin du 19e siècle, ce répertoire dont on va s'éloigner tout au cours du 20e siècle au Québec. Vous avez entendu, bien sûr, sur cette aire de Balfe, le maire de Montréal, Jean Drapeau, à l'émission Métro Magazine du 9 novembre 1964. Jean Drapeau, lui-même grand amateur d'opéra, qui présentait en 1964 son projet de création d'une grande compagnie d'opéra pour Montréal. Ça va prendre quelques années encore avant que ce projet-là ne se réalise. Pour nous raconter l'histoire de l'opéra à Montréal et au Québec au 20e siècle, je reçois le musicologue Pierre Vachon, qui est aussi directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon, bonjour. Bonjour. Quand on parle de l'opéra au Québec au 20e siècle, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Deux ou trois mots, deux ou trois noms peut-être? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Effervescence. Oui, c'est de l'effervescence parce que, d'abord, je suis toujours étonné de voir des chanteurs canadiens et québécois qui se sont illustrés sur les plus grandes scènes du monde, qu'on a un petit peu oubliés. Je pense à Albany, je pense à Sarah Fischer, je pense à Pauline Donalda, Léopold Simoneau, Raoul Jobin. La liste, elle est longue et on a un petit peu oublié. Et je me dis, mais d'où vient cet intérêt pour l'opéra? D'où vient cette culture qu'on a cultivée, c'est le cas de le dire, pour l'opéra tout au long du 20e siècle? Et donc, quand je reparle et que je repense à cette histoire, il y a une effervescence extraordinaire au tournant du 20e siècle qui s'est passé et tout s'est mis en branle, tout s'est mis en place. Et d'ailleurs, cet extrait d'opéra qu'on vient d'entendre de Balfi, c'est admirable parce que ça montre très, très bien, ça situe très bien les choses dans le fond, comment on a voulu, dans le fond, mater ou on a voulu chasser le répertoire anglo-saxon qui avait envahi Montréal à la fin du 19e siècle. Montréal étant devenu un port d'entrée, un port d'attache, mais un lieu de transit pour les grands artistes et surtout l'opéra. Et ce qui m'étonne aussi, en quelques autres mots, c'est de voir l'importance que l'opéra avait dans la vie culturelle du Québec à ce moment-là et comment ça s'est intensifié et comment l'opéra s'est émancipé au Québec et a donné lieu à toutes sortes de compagnies, de chanteurs, d'écoles de chant pour arriver aujourd'hui, en 2018, à un âge d'or extraordinaire. Et donc, la fin, en vous écoutant, la fin du 19e, le début du 20e, c'est une charnière. Avant ça, il se passe, on a fait une émission ensemble. Il se passe des choses avant le 20e siècle, avant la fin du 19e, mais pas grand-chose. Exactement. C'est-à-dire que c'est à la fin... Au 19e, c'est un art d'importation, on en a parlé. Au 20e, c'est l'implantation d'une culture lyrique, ici, au Québec. Et ce qui se passe à la fin du 19e, c'est que tout d'un coup, la classe moyenne francophone prend son envol. Montréal devient un centre financier très important. Montréal est la ville du Canada. En population, c'est 267 000 habitants. Ensuite, la majorité francophone prend le dessus sur les anglophones de Montréal. Tous ces aspects politico-économico-sociaux, si on peut dire, déterminent en fait ce que sera la vie culturelle du Québec. Mm-hmm. Et c'est là que les francophones décident de prendre, de s'emparer de la vie culturelle, de chasser ce répertoire anglo-saxon, cette sorte de tournée qui viennent du métropolitaine, qui viennent de Boston, des grandes villes américaines, de certaines villes européennes aussi, et qui passent par Montréal. Et on se dit, prenons-nous en main et créons notre propre théâtre. Et c'est là que tout d'un coup émerge cette volonté de créer un théâtre national qui sera donc à l'image de ce que nous serons, un répertoire francophone aussi, ou français, qu'on pourra mettre en valeur, des institutions, des gens qui vont commencer, des studios privés, des gens de l'extérieur qui viennent et qui commencent à implanter une vie lyrique parce que cette vie lyrique est comme, en fait, le art qui est consommé par les gens, c'est le produit de consommation par excellence au tournant du 20e siècle. Oui. Ça va commencer doucement. En revanche, sur le plan des compagnies, il y a des petits théâtres, mais c'est plus, puis on y vient dans un instant, vers 1917 où il y aura un premier grand coup, mais un mois encore, parce que spontanément, vous m'avez parlé des chanteurs. Et le début du 20e, c'est vraiment ça. Je pense qu'on peut dire que l'art lyrique, il existe d'abord et avant tout, parce qu'avant 1917, il y a peu de théâtres ou de compagnies. C'est les voix, c'est les chanteurs québécois qui déjà émergent, même au 19e, Albany, mais il y a quelque chose, là, et qui vont devoir aller chanter ailleurs, Pierre. En fait, ça commence, c'est que les chanteurs du Québec, le Québec prend conscience que oui, l'art lyrique est quelque chose d'important, on s'entiche de l'art lyrique, et les chanteurs d'ici, les musiciens d'ici qui veulent faire carrière, doivent s'exiler, parce qu'il n'y a pas vraiment de débouché encore avant la Première Guerre mondiale. Alors, ils vont s'exiler soit à New York ou soit en Europe. Des chanteurs d'Europe vont venir ici et vont commencer justement à faire circuler les chanteurs, à travailler, à créer de l'émulation pour les chanteurs du Québec. Et après la Première Guerre, c'est là où tout d'un coup, ça va prendre son envol, qu'on va créer des troupes locales. Mais c'est vrai que jusqu'à la Première Guerre, c'est beaucoup d'artistes étrangers, Caruso, le compositeur Mascagni, le compositeur d'opéra, qui vont passer par Montréal, parce que Montréal est une plaque quand même importante et parce que les anglophones ont instauré dans l'ouest de la ville des théâtres comme His or Her Majesty's, les Academy of Music par exemple, alors certains lieux comme ça de diffusion où le grand opéra va passer, et certaines troupes même le mettent, qui va venir trois fois jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors tout ça crée donc de l'émulation, va commencer à mettre en branle cette effervescence et cette conscience que nous devons créer notre propre théâtre aussi. Mais ça va, du côté francophone, connaître un essor plus grand en 1917. Vous parlez de la Première Guerre mondiale, puis on revient à l'extrait qu'on entendait au tout début de l'émission. 1917, c'est la création de la Société nationale d'opéra comique, qui va devenir plus tard la Société canadienne d'opérette. Ça, c'est très, très important pour l'émergence d'une scène lyrique québécoise francophone. On écoute à nouveau le critique Marcel Valois en parler à l'émission La musique à Montréal de 1920 à 1950, animé par Jean Béchamp, diffusé à notre antenne en 1974. Alors, la Société canadienne d'opérette avait été fondée par Honoré Vaillancourt, qui avait des mécènes qui l'aidaient, pour présenter des œuvres légères, mais tout de même de bonne tenue, Et je pense bien qu'à ce moment-là, on croyait que les cloches de Courneuville et la mascotte étaient des œuvres musicales. À ce moment-là, oui. Et bien, on faisait entendre tout de même Véronique de Messager, qui était d'une qualité bien supérieure. Eh bien, cette Société canadienne d'opérette et par la suite les variétés lyriques ont lancé des vedettes qui se sont maintenues. Pendant des années, pendant au moins une quinzaine d'années, Lionel Daulet, d'abord soliste à la Société canadienne d'opérette et après cofondateur des variétés lyriques avec oui. Charles Goulet, était vraiment une vedette considérable ici. Non seulement parce qu'il était un beau chanteur et un parfait musicien, mais parce qu'il était bel homme qui s'habillait avec grâce et qu'il avait un accent, une sincérité extraordinaire dans les scènes d'épanchement, les scènes de tendresse. Il était une très, très grande vedette ici à Montréal. Et c'est lui qui remplissait les salles. Mais auprès de lui, il fallait bien une partenaire. Alors, ces deux sociétés, l'une a succédé à l'autre, parce que la crise a mis la fin à la Société canadienne d'opérette et les variétés lyriques ont pris la relève. Eh bien, il y a eu des vedettes. Madame Geneviève Davis-Lebel était une jeune femme mince et charmante et qui était une espèce de coquette ingénue. Et puis, il y avait aussi une autre grande vedette qui ne voit pas toujours égale. Mais mon Dieu, qu'elle avait donc une présence extraordinaire en scène. Madame Carole Amoureux. Quelle importance aura, c'est toute une époque qu'on entend dans cet extrait aussi, quelle importance va avoir cette société d'opérette qui va devenir plus tard les variétés lyriques? Bien, en fait, c'est la première troupe permanente au Québec qui a une certaine durée et qui va donc encourager les nôtres, c'était le slogan de la Société canadienne d'opérette, de faire vivre le théâtre avec des chanteurs d'ici, et c'est vrai que ça propulse aussi toute une série de chanteurs, en même temps aussi que l'émulation créée entre les chanteurs de l'extérieur et les chanteurs québécois qui vont travailler dans ce répertoire-là, avec cette compagnie-là, va faire en sorte qu'on va créer donc des premières écoles de chant et donc créer de l'emploi, en fait. Et l'une des particularités, c'est que c'est 100% Québec. Ouais. Alors donc, ce sont des gens d'ici, ce sont des actionnaires d'ici qui encouragent la vie économique de cette société pour la faire vivre. Et il y a tout donc un réseau d'artistes aussi qui vont émerger. C'est vrai que la société d'opérette donc va subir un peu les affres de la crise économique et ensuite, ça va donner lieu aux variétés lyriques en 1936 jusqu'en 1955. Et ça, ce sera très, très important. Ah ben oui, ça aussi, la Société canadienne d'opérette et les variétés lyriques, ce sont deux troupes emblématiques du Québec lyrique du 20e siècle. Parce que oui, le critique Valois a tout à fait raison, ça fait travailler des gens. En 1955, il y avait 14 000 abonnés des variétés lyriques pour vous montrer l'engouement, l'enthousiasme du public montréalais pour aller entendre des chanteurs. Il y a toute une série de chanteurs, les plus connus, Pierre Etalari, Léopold Simoneau, André Turp, Richard Véraud, ensuite Joseph Rouleau, une série de chanteurs québécois donc, qui vont faire leurs armes grâce aux variétés lyriques et ensuite qui vont s'emparer des grandes scènes, de telle sorte qu'on va voir une filière québécoise au Covent Garden de Londres dans les années 50, des années 60 et donc ces chanteurs québécois qui font rayonner le Québec et qui continuent la tradition donc, que Albany a lancée déjà quand même au tournant du 20e avant la fin du 19e. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ces années 40, 50, 60, dans une certaine mesure, c'est vraiment un âge d'or de l'opéra au Québec? Oui, je le crois aussi, et d'autant plus aussi, bon, il y a la création de Radio-Canada, donc première diffusion radio en 1936, ensuite la télé de Radio-Canada, donc on va s'emparer de ça. Donc les gens vont entendre de l'opéra, vont aimer, vont vouloir de l'opéra. Ça fait travailler les gens d'ici et ça fait connaître aussi ce répertoire. C'est beaucoup de l'opérette, de l'opéra comique, donc un répertoire plus léger aussi qui interpelle les gens par les valeurs, par les thématiques, par une certaine morale, ouais. Une certaine légèreté, tout ça. Mais du reste, donc, ça va donner une impulsion à l'art lyrique. Le grand opéra va continuer aussi à être présenté, tout ça. Et donc, les gens vont entendre à la fois de l'opéra, mais aussi nos artistes ouais. lyriques qui commencent à s'illustrer et dont on entend parler de plus en plus à travers les journaux, à travers les critiques, mm-hmm. qui font écho au succès et à la notoriété qu'ils obtiennent, ces chanteurs. Sans compter la relève qu'on va... Il y aura une professionnalisation de l'enseignement. Les conservatoires, c'est les années 40. C'est les années 40, exactement. Ouais. Et donc, les conservatoires d'État qui vont donner une autre impulsion et les premières classes de chant vont se créer. Et là, on va commencer à voir émerger donc, une série de chanteurs. Ce qui fait que Aujourd'hui, si on peut faire un petit clin d'œil, un petit saut dans le temps, aujourd'hui, on ne s'étonne plus que des Marie-Nicole Lemieux, Carina Gauvin, que des chanteurs comme Étienne Dupuis fassent des carrières extraordinaires, qu'on ait des Robert Lepage, des François Girard. Bref, il y a toute une série d'artistes lyriques, de metteurs en scène, de gens qui travaillent dans ce milieu lyrique et qui font la richesse du Québec. Ouais. Et on ne s'étonne pas non plus qu'un Yannick Nézet-Séguin soit maintenant directeur musical de la plus prestigieuse maison d'opéra au monde. Ouais. Parlez-moi de Pauline Donalda qui est un personnage qui vaut le détour. D'abord, c'est une chanteuse, une de ces chanteuses qui fera carrière, qui brillera sur les scènes étrangères. Puis elle sera importante sur la scène locale aussi. Oui, exactement. C'est une chanteuse qui est née à Montréal, qui a une bourse, d'où son nom de plume, son nom d'artiste, Donalda, parce que son vrai nom, c'est Lightstone. Et en hommage à Donald A. Strathcona, qui a donné une bourse pour aller étudier en Europe. Alors, elle fait une carrière assez brève en Europe, un peu sur les traces de Albany, Gautier, Fischer, etc., les gens qui commencent à s'illustrer à l'extérieur, dans les grandes maisons, comme l'Opéra Comique à Paris, ou encore le Covent Garden de Londres. Et ensuite, elle revient à Montréal, et c'est là qu'elle va établir donc le Opera Guild en 1942. Ouais. Et ça, à chaque année, elle va présenter, elle, du grand opéra. Et non pas de l'opérette, mais du grand opéra. Et c'est là qu'une fois ou deux par année, donc, on fait des spectacles. Et elle va jouer au His Majesty's. Ensuite, ils vont déménager à la salle Wilfrid Pelletier quand ça va arriver dans les années 60. Et donc, elle poursuit cette tradition dans un répertoire peut-être, je le dirais en guillemets, plus noble, parce que le grand opéra est considéré comme le grand art lyrique, ouais, alors que l'opérette et l'opéra comique, c'est plus léger, disons. Là. Alors, ce qui fait que Pauline Donalda donc, va donner vraiment une impulsion très, très importante et faire entendre le grand répertoire, c'est-à-dire les Verdi, Rossini, etc., que l'on trouve dans les grandes maisons d'opéra. Ouais. Et donc, ça, c'est un jalon aussi incontournable de notre histoire lyrique. On entendait Jean Drapeau, le maire de Montréal, au tout début de l'émission, qui, je le rappelle, était un grand amateur d'opéra. Il y aura une année vraiment fastueuse. Ce sera un feu d'artifice, 1967, l'Expo 67. Et Pierre Dupuis, qui est commissaire général de l'Expo 67, parle en 1964 de ce qu'il est en train de construire comme programmation. Mais vraiment, c'est un feu d'artifice. On l'écoute. J'ai déjà l'agrément de l'Opéra de Paris qui viendra donner à Montréal un opéra populaire, soit Faust, soit Carmen, ensuite les Indes galantes, et troisièmement Péléas et Mélisande. J'ai l'agrément du Bolchoï, qui viendra donner Boris Godunov, le prince Igor et Sapko. Je viens d'avoir l'agrément de l'Opéra de Vienne, qui viendra donner soit la flûte enchantée ou Don Juan, le mariage de Figaro et finalement le chevalier à la rose. Et nous espérons entrer bientôt en contact avec d'autres grandes sociétés telles que Milan, telles que le Metropolitan Opera. Nous sommes déjà en rapport avec Covent Garden. Et en marge de tout cela, il y a aussi les ballets et les grands orchestres. Je pense à la possibilité d'avoir Karajan dirigeant l'Orchestre symphonique de Vienne qui viendra avec l'Opéra de Vienne. Ça fait rêver. 67, Pierre Vachon. Ah. En 67, Montréal va vraiment être l'une des plus belles scènes lyriques du monde. En fait, la plus prestigieuse, oui, scène lyrique, parce que ça attire des plus grandes maisons. C'est vrai que le Bolshoï, Vienne, la Scala de Milan, Covent Garden, toutes ces maisons vont se retrouver à Montréal à présenter des œuvres avec les plus grands artistes. Dans un premier temps, donc, c'est le rendez-vous lyrique du siècle, si, oui, on peut dire. Alors, Montréal est vraiment, vraiment bouillonnant et effervescent, mais aussi et surtout, c'est que ça place le Québec sur l'échiquier international de l'art lyrique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces grandes maisons d'opéra, on se rend compte qu'il y a de grands artistes canadiens, les Teresa Stratas, John Vickers, etc., qui font briller le Canada, qui chantent dans des productions. Donc, ça nous permet de nous présenter, nous, ouais, au monde international, qui sont nos invités. Et tout d'un coup, le Québec connaît une impulsion extraordinaire, les artistes qui vont donc continuer de rayonner. Mais il y a une grande, grande impulsion. Alors, ça joue dans les deux sens, où Montréal prend conscience de l'importance de l'art lyrique, ouais, et comment c'est assis. Et en même temps, temps aussi, ça propulse nos propres artistes. Et ça amènera éventuellement, dans les années 80, en 1980, à la naissance de l'Opéra de Montréal, 83, la naissance de l'Opéra de Québec. Quel impact ça aura, la création de ces deux maisons, Pierre Vachon? Oui, ben, d'abord, on passe par l'Opéra national du Québec, les années 70, donc 71 à 75, avec Léopold Simoneau, très, très brièvement, mais quand même, c'est la prise de conscience qu'il nous faut une maison permanente. Oui. Jusqu'à maintenant, ça a été une succession d'une trentaine, d'une quarantaine de compagnies qui ont duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, un peu plus longtemps dans le cas de la Société canadienne d'opérette et des variétés lyriques et de l'Opéra Guild. Mais tout d'un coup, en 1980, on débouche avec l'Opéra de Montréal qui existe maintenant depuis 38 ans et c'est donc la plus longue compagnie permanente à Montréal, presque au Canada, mais il y a Toronto et Vancouver. Et l'Opéra de Québec, donc, Québec n'est pas en reste de l'art lyrique. Québec, depuis le tournant du 20e siècle, reçoit aussi les grands artistes. Alors, on arrive à Montréal, on chante, etc., et on s'en va à Québec ensuite. Et donc, Québec a toujours été là, présent aussi, dans cette émancipation du théâtre lyrique au Québec. La ville de Québec chanta. Ouais. Et ensuite, Trois-Rivières et Sherbrooke. Et donc, avec, en 1980, l'Opéra de Montréal, 1983, l'Opéra de Québec, et tout d'un coup, ben, ça donne une scène importante pour nos artistes. Les bases sont posées. Les bases sont posées et c'est là pour durer. Extrait de l'opéra Copernicus du compositeur québécois Claude Vivier. Ça nous ramène aux années 80, à 1980 précisément. Il y aura peu d'opéras québécois qui seront écrits au 20e siècle jusque dans les années 80. Pourquoi? Cet opéra-là va être important. Pourquoi, Pierre Vachon? Ben, en fait, ça réveille le goût des compositeurs à écrire des opéras québécois, des opéras carrément. Je rectifie un petit peu le tir. Il y a eu beaucoup d'opérettes et d'opéras comiques, donc le genre léger. Oui. Il y a une pléthore d'œuvres au tournant du 20e, donc des compositeurs d'ici qui font dans le genre et qui écrivent. L'opéra, c'est plus rare. Il y a déjà eu Louis Riel en 67 qui a été présenté. Copernicus est une date importante. D'abord, l'œuvre est importante au niveau international. C'est une des grandes œuvres d'opéra du 20e siècle. Et ça positionne le Québec dans la création lyrique internationale. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des compositeurs d'ici qui commence à écrire des œuvres importantes qui marquent à cause du nouvel usage de la voix, à cause du sujet, à cause de l'instrumentation. On n'est pas du tout décalé par rapport à ce qui se fait sur la scène internationale. Au contraire, on est très en avant. Et Claude Vivier est considéré comme l'une des plus grandes figures de l'opéra au 20e siècle, toute provenance confondue. Ouais. Et c'est un Québécois. Et c'est pour ça que Copernicus, en 1980, marque, parce que tout d'un coup, ça donne une impulsion à bien des compositeurs, à telle enseigne qu'il y a une compagnie qui s'appelle Chant Libre, qui crée des opéras à chaque année par des compositeurs québécois et qui donne donc une impulsion, qui donne une vie à la création lyrique. On a l'impression que la création lyrique n'existe pas, mais elle existe bel et bien, en tout cas. Aujourd'hui, Pierre Vachon, comment la décrire, cette scène lyrique québécoise? Il y a un âge d'or. On est carrément dans un âge d'or à tout point de vue. D'abord, du point de vue des interprètes, il y a un foisonnement d'interprètes qui sont parmi les meilleurs au monde aujourd'hui. J'ai nommé Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, mais il y en a tellement aujourd'hui partout. Ensuite, en termes de création lyrique, donc cette effervescence, cette présence de la création lyrique et la nécessité de la création lyrique, et ensuite de voir que l'opéra existe partout au Québec. L'opéra, c'est les gens l'ont intégré à leur consommation culturelle. Alors l'opéra est vivant, il est vibrant aussi. Et c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, on se rend compte qu'il y a un véritable âge d'or que l'on vit ici au Québec et à l'international. Pierre Vachon, musicologue, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Pierre. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.